Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, il y avait une conférence de presse à Saint-Félicien hier où on annonçait la tenue des régates de Saint-Félicien du 22 au 24 juin, en plus de présenter deux coupes du Québec de vélo montagne le 14 et 15 juillet. On attend pas moins entre 400 et 500 athlètes pour la coupe du Québec de vélo de montagne. À ce qui concerne maintenant la campagne de financement, il n'y aura pas de président d'honneur cette année. C'est plus un comité formé par les membres des deux organisations qui vont se charger du financement. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on s'attend à des coureurs qui vont venir d'un peu partout de l'Europe. Trois compétitions d'envergure seront présentées le 22 et 30 et 60 km. Par ailleurs, le Club Vélo 2 Max Saint-Félicien va organiser un marathon sur deux roues le 7 octobre prochain. Pour les gens qui se posent la question, c'est une épreuve provinciale de rade marathon et ce sont 4 décembre par étape de type enduro. Concernant les régates de Saint-Félicien, ils faisaient partie d'un circuit nord-américain. Maintenant, ils font partie d'un réseau international qui devrait donner encore plus de notoriété. Et 4 classes seront présentées encore une fois cette année. En entrevue sur les ondes de danadosport.com, le président des régates de Saint-Félicien, Régent Côté, a mentionné que ce n'était pas nécessairement un risque à ce qui concerne le financement de ne pas avoir de président d'honneur cette année. Je crois que c'est... on appréciait le travail des présidents des années à venir, mais on sait d'une campagne à l'autre, d'une ville à l'autre, c'est un petit peu répétitif. On pige dans le même panier des gens qui sont prêts à faire ce travail-là de président. Mais d'avoir beaucoup de personnes de plus dans des différentes sphères, on l'a vu, on parle d'avocats, des gens des banques, de la caisse, des choses un petit peu partout, des gens dynamiques qui ont leur bassin de connaissances, puis que ça l'a presque doublé. Ça l'a plus que doublé, le comité, avec des nouvelles personnes comme ça, de ce qu'on a cette année pour solliciter les gens. C'est sûr qu'on parle de la même liste, mais ça allège le travail de chacun, ou ça augmente un petit peu le travail fait auprès des partenaires financiers. Une fois, il y aura plusieurs équipes, encore une fois, aux régates de Saint-Félicien cette année. Que vous pouvez atteindre, hein? Oui, au niveau des bateaux, sur la classe HRL, chacun des coureurs tente d'être ici à Saint-Félicien puis de vraiment primer cet endroit pour venir se produire. Pour le maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons, ces deux activités sont importantes pour l'économie de Saint-Félicien. Les deux activités, c'est en étroite collaboration avec le service des loisirs. C'est sûr qu'on accompagne les deux activités depuis longtemps. Et ces deux activités-là sont extrêmement importantes pour la première, bien sûr, pour le 24 de juin. Et en juillet aussi, pour la vélo de montagne. Chez nous, le vélo de montagne, c'est important depuis longtemps. Les régates, c'est vraiment une activité qui se démarque au niveau régional. OK. Merci beaucoup. Parlons maintenant des championnats scolaires de hockey qui auront lieu à Alma en fin de semaine. Hier, on a parlé avec l'instructeur Jean-Normand Tremblay des Lynx cadets. On sait que les Lynx ont remporté le championnat de la Ligue avec une fiche de 45 victoires, 3 défaites. En fin de semaine, en série, ils ont battu l'Académie Saint-Louis. Et Jean-Normand Tremblay mentionne qu'ils ont continué à garder le rythme effréné tout au long de la saison. On a participé à... au tournoi dans le centre de Saint-Bruno. Puis je vous dirais que ça nous a remis un petit peu les pieds sur terre. Là. Ça a permis aux gars de se dire, OK, regarde, on n'est pas invincible. On a confiance en nos moyens. Les gars savent qu'il y a une situation sur les gars. Ça nous a montré qu'on pouvait se faire battre aussi. Puis je pense que ça a remis les choses en perspective. Ça a amené les gars à travailler encore plus fort. On a doublé d'ardeur dans les entraînements, ces choses-là. Je pense qu'on est frais brel, on vient de sortir des séries, on a bien fait ça, on a remporté le... Jean-Normand Tremblay mentionne dans un deuxième temps que la préparation d'un tournoi, c'est pas du tout la même préparation que durant les séries. Une préparation, c'est nous, là, on a commencé, notre dernier entraînement sur glace, on a pratiqué lundi, on a pratiqué mardi. Aujourd'hui, là, on a donné congé aux garçons de glace, donc, ça n'aurait comme pas eu de bon sens lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Donc aujourd'hui, les gars vont en congé de glace, donc on est vraiment en mode préparation pour moi. Hier, on s'est jasé en tombe, on va se faire jaser cet après-midi. On a commencé sur la glace le 12 août, on a commencé le camp d'entraînement, la première pratique. Fait que, moi, c'est le message que j'ai lancé aux gars hier, je vous dis, on travaille fort hier, c'est la 82e pratique de l'année. On a joué à peu près 50 parties, les gars, on a travaillé fort.